Je suis Sherlock Holmes. Quoi? Holmes est ici? Professeur, il y a Sherlock Holmes. Il est chez Gilmore. Ah, je vous paye une véritable fortune, monsieur. Si vous ne découvrez pas rapidement le coupable, je vous renvoie. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans ce cinquième épisode de Podcast Holmes, le podcast... que le monde entier nous envie, des États-Unis en passant par la Guadeloupe. Avec nous autour de la table aujourd'hui deux nouvelles personnes et un habitué, j'ai envie de dire, le taulier de ce podcast. On va commencer par toi d'ailleurs. Bonsoir, monsieur Kant. Bonsoir. Bonsoir, voilà. Merci d'avoir accepté notre nouvelle invitation. Tu avais été tellement bon la première fois, dans la première émission, qu'on s'est dit, on peut pas laisser passer, on va le réinviter. Ah bah j'entends bien. Voilà, rappelez-vous. C'est légitime. Voilà. Il était Jean-Pierre Pernaut. Tout à fait. Les gens s'en souviennent. Avec nous également, nous avons Laetitia. Bonsoir, Laetitia. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, c'est un plaisir. C'était naturel. Ouais, très bien. Vous avez tout ce qu'il vous faut à boire. Absolument, des lunettes, tout est bien. Parfait, très bien. Et enfin, Sixtine. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Sixtine? Ça va super. Très bien, super. Voilà, super. Ouais, très bien. Alors, en quelques mots, je vous explique très rapidement le concept de cette émission. Comme vous avez pu l'entendre dans l'introduction, je jouerai donc Sherlock Holmes, qui, retenu chez Gilmore pour d'autres obligations, se voit contraint et forcé de déléguer la résolution d'une enquête urgentissime à quelques-unes de ses connaissances. Et ses connaissances, forcément, aujourd'hui, c'est vous. Voilà, merci de votre sollicitude. Je vais dans un instant vous distribuer une petite fiche avec votre rôle et une description succincte du personnage que vous allez jouer, n'est-ce pas ? À charge à vous ensuite de nous faire rire avec tout ça, sans oublier accessoirement de faire avancer l'enquête. Durant l'épisode, vous aurez chacun à glisser dans l'une de vos interventions, et le plus naturellement possible, bien entendu, un mot. Donc ce sera soit sandale, soit coléoptère, soit raclette, ok ? Si jamais je sens à un moment donné que vous arrivez à pas trop vous dépatouiller, je fais sonner votre téléphone portable et puis nous pouvons communiquer comme ceci. Et s'il n'y a pas de réseau ? Il y en a. À Phalange sur Caillou, sur Tibia. Tout est bien. Je sais pas pourquoi j'ai dit tant Phalange sur Caillou. Il y a du réseau. Ça passe chez tous les opérateurs. Magnifique. Vous avez bien fait le travail. Bien sûr, bien sûr. On ne fait rien au hasard. Laetitia, merci de ta sollicitude. Ça fait deux fois que tu le places, celui-là. J'aime beaucoup sollicitude. Je l'ai appris dernièrement. Je vois que tu l'utilises avec beaucoup parcimonie. De... Ouais, c'est beaucoup d'efficacité. Alors, dernière contrainte, il faut absolument que l'épisode se termine sur une révélation fracassante. Ok. À savoir, un nouveau mort. Il n'y aura plus personne dans la ville après. Hein. C'est un peu l'idée, voilà. Comme ça, moi, je pourrais arrêter. Oh, spoiler. Un nouveau mort qui présente les mêmes caractéristiques que le précédent. Les mêmes. Tu veux pas le redire, celui-là ? Caractéristiques. Et je vous remercie. C'est pas celui-là auquel tu pensais, là. De me reprendre sur chaque mot. Sur parcimonie, on mettait bien. Sollicitude aussi. J'ai hâte de vous entendre galérer. Alors, lorsque vous entendrez ceci... C'est qu'il vous restera 5 minutes avant la fin de l'épisode. Donc, si vous n'avez pas encore découvert le corps, bah, il faudra activer un petit peu. Dessus, quoi. Voilà. Pas trop violemment, par contre. Non, parce qu'après, c'est... Ouais, c'est... Oui. C'est drôle. On sent qu'on va se marrer avec cet épisode. Je sens qu'on va rigoler. Alors, Laetitia, on va commencer par toi. Je vais vous distribuer vos petits rôles. Tu vas dire aux auditeurs qui tu es, s'il te plaît. Ouh. Oh bah génial. Oh bah génial. Ça commence. Oh bah ça génial. Commence. Oh, c'est le truc que je voulais pas. Ah, ça y est. Alors moi je suis princesse Leia. Ah. Ouais, voilà. Donc faut que je lise la suite aussi, voilà, David. C'est ça. C'est ça. Pour recontextualiser, savoir pourquoi tu as un lien avec Phalange sur Tibia. Très bien. Alors la galaxie sauvée. Princesse Leia vient en repérage à Phalange sur Tibia pour éventuellement installer la base secrète de la résistance. Alors ça tombe bien parce que je connais pas Star Wars, bah, c'est donc c'est nickel. Je me suis dit que... ça va être parfait. Je me suis dit, c'est bon, elle connaît bien Star Wars, et ben non, et pas du tout. Donc c'est parfait. C'est bien. Wow. Bien tombé. Et bah écoute, moi je suis Lara Croft, donc je suis une grande aventurière devant. L'éternel. L'éternel. Ouais. Le village de Phalange sur Tibia avec ses montagnes et ses rivières et le terrain idéal pour parfaire mon entraînement. Et enfin, Quentin, j'ai beaucoup réfléchi. Hein. Ah, je suis Panoramix, effectivement, voilà. Grand druide du célébrissime village gaulois. Je viens chercher à Phalange sur Tibia, Caillou. Phalange sur Caillou. Oh merde, mais non, mais il s'est planté. Non, si même le mec. Ouais, ça commence. Alors, on va, déjà tibia, pas se retrouver au même endroit pour des, commencer. C'est ça, des herbes aux vertus magiques. Voilà. Ah, ça, ça me plaît. Oui. Bah, ça, ouais. Tout de suite, ça me parle plus, tu vois. Voilà. Ouais, changer de rôle. Hein, non, ça va. Non, c'est bon. J'aime bien la résistance. Ok, très bien. Très bien. Allez, transition. Bonjour chers amis et merci d'avoir accepté de me remplacer sur cette enquête. Vous êtes donc à Fallange-sur-Tibia, petit village médiéval de l'Est... j'arrive pas. Médiéval de l'Est de la France, situé à 142 km de Cherbourg. Ce village n'est pas tout à fait un village comme les autres. Eh non, puisque tous ses habitants, sans exception, sont muets. Ah, ok. Ce qui risque, voilà, de complexifier nettement votre travail sur cette enquête. Depuis plusieurs jours maintenant, ce petit village tranquille s'est transformé en petit village moins tranquille. En effet, plusieurs drames ont eu lieu. Daniel Bouchard, boulanger, Monsieur Cretin, Monsieur Poster, Léon, le caviste et un autre encore dont j'ai oublié le nom. C'est Norma. Ils sont Norma, merci. C'est Norma, une dame avec une culotte aux bonbons. Eh bien, ils sont tous décédés dans d'étranges circonstances. C'est donc à vous de mener l'enquête, chers amis, et de découvrir qui se cache derrière ces massacres. Bonne chance. Merci. Alors. Je propose qu'on fasse connaissance déjà. Hein, parce que je sais pas d'où vous venez, mais moi j'ai fait un long voyage là avant d'arriver. Ouais, donc ce serait pas mal que je puisse poser mes sandales tranquilles et qu'on puisse discuter, savoir d'où vous venez, d'où vous allez. T'es qui toi ? Alors, ça commence par le tutoiement, c'est déjà violent. Ouais, non, mais ça, c'est côté anglo-saxon. Oui, parce que moi, vu mon âge, alors moi, je m'appelle Panoramix, hein, effectivement. Donc moi, je suis un druide. Je m'occupe des forces telluriques, quelque chose comme ça. Ouais, je voilà. Ouais, c'est, ça, ouais. Et j'aime beaucoup, parce qu'il t'a passe de potions, de choses comme ça. Alors, moi, on m'a demandé de venir, mais je pense que je serais complètement inutile. Donc, je m'adapterai. Voilà. D'accord, t'es un gars pragmatique, quoi. Non, pas pragmatique, je pense que je suis plus un idéaliste utopique. Avec un ego un petit peu surdimensionné. Non, sa juste dimension. En tout cas, t'as beaucoup de style. Hein. Ah, merci. Ouais. Par contre, la barbe un peu trop... Tu feras gaffe que je marche pas dessus. Oui, mais ça, c'est les druides. Voilà. Non, mais ça arrive. Voilà. Et vous êtes ? Moi, je suis Lara Croft, donc je suis arrivée en tyrolienne, donc c'est un peu... Voilà, j'ai mal aux mains, vous serez pas étonnés si jamais... Ouais. Tu prendras une petite douche avant qu'on commence. Ouais, désolé parce qu'il y a tout en plus de coléoptères de coller sur mon short, donc c'est un peu chiant. Alors moi, je vais en avoir besoin. Ça, je prends ça. Les d'accord, bah, je me fais un petit tube. voilà. Pas de soucis, on grattera ça après. Oui, au cas où. On grattera ça avec les sandales de la copine. Tout à fait. Sympa tes chignons d'ailleurs. Ouais. Merci. Sympa. J'ai pris un peu de vent en arrivant. Je suis pas sûre qu'il soit toujours en état, mais moi je viens d'une galaxie très lointaine. On a eu chaud, hein. Franchement, j'ai cru qu'on allait tous y passer. Maintenant, en prévision de la suite et de l'avenir, hein, puisqu'on est des gens prévoyants de là où je viens, je voudrais bien repérer un peu les lieux là, mais je crois que je suis mal tombée. Vous anticipez ? Non, je fais semblant. Ah. On m'a dit qu'il se passait des trucs bizarres ici. Moi, j'irais bien faire une petite promenade. Et moi, c'est Sherlock qui m'a appelé. Hein. D'ailleurs, ouais, mais je comprends pas. Enfin, alors, on peut l'appeler parce qu'on ne se connaît pas. On est là. Ouais, et on peut appeler. Appelons Sherlock. Oui, oui, bonjour. Oui, Sherlock. Salut, salut. Ah oui. Alors voilà, nouvelle équipe, hein, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fout là ? Ah bah écoutez, ce que vous faites là, parce que je suis pris là, mais Non, je devrais arriver d'ici 4 ou 5 ans. L'idée, c'est tu que... Tu t'es pris pour Doctor Who, là ? Pourquoi ? Non, je sais pas. Ah bah très bien, merci. T'as mention dire... inutile. C'était gratuit. C'est pour dire ce genre de choses, c'est très bien. Donc, vous êtes là pour faire avancer l'histoire, l'enquête, hein, parce qu'il y a eu quelques meurtres quand même dans ce village. Oui, mais très bien. Alors, c'est pas que ça me soucie, mais un petit peu quand même. Hein, je crois qu'on en est déjà au nombre de 4, voire 5 même. Hein, donc, voilà. Il y a des indices qui ont été trouvés ici et là, mais pas grand-chose. De la farine qui traîne, des mots sur les murs, des trucs comme ça. Mais rien de vraiment qui puisse apporter une réponse définitive, en tout cas. Sur ce serial killer, car je pars plutôt sur quelque chose comme ça. Hein. D'accord. Voilà. Par contre, là, je suis désolé, mais je vais être obligé de vous laisser parce que j'ai beaucoup de boulot. Hein, dans le jeu. D'accord. Il est en vacances, quoi, en fait. Ouais. Croft, c'est saxon. Moi, je propose qu'on parle pas de mon nom parce qu'en fait, après, il y a des ennemis un peu partout. Donc, je voudrais pas trop qu'on parle de mon identité si ça vous dérange pas. C'est un peu dangereux pour moi. Et par paranoïaque contre, avec ça, c'est intéressant. Ouais, mais on va se calmer par contre. Hein, non, non, mais je va... non, mais on va pas s'entendre. Mais je posais juste une question. Bien sûr. Voilà, tout à fait. Moi, je propose qu'on aille sur les pas de nos coéquipiers. On devrait commencer par là où a été trouvée la dernière victime. Tout à fait. Et c'était où ? Eh ben, à la maison close de l'entrée du village. C'est un peu dur pour toi. Alors rentre derrière nous, parce que ça pourrait te faire un choc. Ah non, je rentre pas. T'as un certain âge. Ah mais je peux pas rentrer dans une maison close. Moi déjà, je peux pas rentrer dans une maison parce que mes pouvoirs disparaissent. Moi, je suis des pouvoirs en extérieur. Moi, voilà. Ouais, mais Lara te protégera. C'est, tout va bien. Oui, t'inquiète pas. Moi, je gère tout ce qui est danger, tout ça. T'inquiète pas. Mais il y a des femmes dedans ? Bah apparemment, il y en a une en moins déjà. Mais elles sont comment ? Elles sont, que dire ? Ouais, elles font penser à des romaines, comme quoi. Elles font penser à des romaines. Ouais. Des romaines. Un peu, ouais. Ça m'embête un peu. Moi, je crois qu'on m'a parlé. On a parlé de bonbons. Je pense que ça pourrait être ton domaine, panoramique. Ah, je peux analyser, oui. Voilà, au niveau de l'analyse. Je peux faire une chromatographie, si vous voulez. Parce que ça fait quand même plusieurs jours qu'on a des substances qui sont pas analysées, qui sont retrouvées. Eh ben, donnez-moi ça. Ben, écoute, on a farine et bonbons. Il faut un chaudron. Est-ce que tu pourrais nous... Ben, si vous avez un petit chaudron, là, un petit but à gaz et fait 2-3 feuilles de sauge, je vous fais une petite mixture vite fait, un petit bouillon, et puis comme ça nous permet de voir les éléments chimiques qui sont présents. Moi, je fais ça, moi, oui. Ouais. Eh ben, fais-nous ça. Pendant ce temps, on va aller voir si on trouve des choses dans les vestiaires, nous. Dans les vestiaires. Si les vestiaires pas, pourquoi pas, écoute. On y va ? Bah, je te suis, hein. Dans les vestiaires, ouais, y a les vestiaires pas de maison close. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de manteaux, tout ça. Au final, on a que des culottes. Ouais. C'est un peu. Et puis chez moi, on n'en porte pas, donc je sais pas bien à quoi ça. Je veux dire, je suis un peu perplexe. Mais vous faites comment quand vous avez. On prend l'air. ouais, bah, ça a pas l'air très organisé tout ça. Attends, mais il n'y a pas un carnet d'adresses, un truc comme ça, là, qui retracerait un peu la clientèle Ouais, comment ça s'appelle ? Les gens qui sont passés, je sais pas, moi je connais pas non plus dans mes aventures. Ouais, bah, on lit sur les murs, il y a des écritures, donc là, moi, c'est quand j'ai un problème, j'appelle Yoda, il me répond en général. Il va bien, lui, parce qu'aux dernières nouvelles, pas très bien il allait, quoi. Concentrons-nous sur l'enquête, ne va pas Allez, me déstabiliser. Allez, c'est parti. Hein bah, tiens, donc le livre de balle, quoi, c'est ça qu'il faut qu'on trouve. Voilà, c'est ça, un petit peu avec un résumé, quoi. Alors, un peu de sauge, un peu d'eau, de l'eau, où est-ce que je vais trouver ça ? Bonjour madame, bonjour. Ah ben, elle aurait pas à répondre évidemment, oui, puisque de toute façon elle aimait, ça c'est pas mal pour moi, oui, c'est intéressant. Voilà, je... Eureka ! J'ai trouvé ! Alors là, c'est quand même incroyable parce qu'on a madame quand même... Madame Croft ! Oui, qu'est-ce qu'il y a, le vieux, là ? J'ai trouvé ! Les bonbons, c'est du glucose ! Donc on a farine et glucose ! Ou glucides. D'accord. C'est pas mais sûr. Là, ce qu'on cherche à faire, c'est pas une pâte à crêpes. On cherche vraiment à résoudre des crimes. Donc, ouais. Est-ce que tu pourrais éventuellement nous aiguiller sur le fait que, voilà, est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est pas important ? Ça peut être un lien avec le sucre. Tu le veux sucre. Dire que c'est un village de diabétiques ? Est-ce qu'il n'y a pas un médecin dans ce village ? C'est lui qui saurait manier, ou alors un cuisinier ? Mais cuisinier, le boulanger médecin, est mort. Un apothicaire. Écoute, Panoramix, va donc chercher un truc du genre. Et puis nous, on va essayer d'éplucher le livre de balle, parce que là, on vient de le trouver. Hein. Et on a plusieurs clients intéressants, disons, qui ont... Et il n'y a pas un médecin dans le livre de... Bah écoute, ils ne marquent pas leur fonction, ils restent anonymes. Hein, dans ce genre de film, tu vois, en pas... tout cas, on a toutes les victimes qui sont dans le carnet. Donc, elles sont toutes dans le carnet. Elles sont toutes dans le carnet. Peut-être que quelqu'un a voulu cacher quelque chose, un complot. C'est intéressant. Contre... la maison close. Des Visigoths, peut-être. Des barbares. Oui, je crois c'est que tu t'égares. C'est un terme générique, barbare, mais allons-y. Moi, n'empêche que je suis un peu en train d'étouffer, là. Moi, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de grand air, j'ai besoin de courir sur des roches, de marcher sur des cailloux et de boire de l'eau sale. Donc, est-ce qu'on pourrait sortir un peu de cet endroit ? Alors, écoute, si il y a mon vaisseau dehors, je vous emmène. T'as les clés ? De l'eau sale, je peux vous la filtrer, je fais un petit filtre. Et ça après, fait pas avancer avec des boyaux de sanglier, je te trouve ça en 2-2. Ah, ben non, mais c'est au poil, hein, parce que du coup. Bref, allons. Ah bah ça va mieux là, ça fait du hein, bien, t'as pris l'air. Ça fait du bien là. Moi j'ai une idée à vous soumettre. Vas-y. Parce que il me semble que je suis quand même assez experte en matière de... Oh, j'ai perdu de trahison. Ouais, de trahison, tout ça, mais surtout j'arrive bien à me faire passer pour quelqu'un d'autre. D'accord. Je vous propose, en fait, que je me fasse passer pour une cliente. Une cliente d'où ? De la maison close. D'accord, ça va être un peu inhabituel, je pense que c'est surtout des... Oh, t'es des vraiment étroite d'esprit, Lara. Hein. Ah bah, madame, madame Croft, même moi, ça m'a pas choqué. Ouais, c'est vrai. Pardon, là, je... traditionnaliste. Je sais pas, je propose, et puis on, si je me mets à la place d'une victime, éventuellement, il peut m'arriver le même sort. Panoramique sera là pour veiller à toutes les substances qu'on peut éventuellement me faire ingérer. Bien sûr. Et puis toi, Lara, tu seras là pour me défendre physiquement, moi, intervenir faut, juste avant tout que tout ce qui est combat, moi, faut que ça se tape, quoi. Bon, bah nickel. Alors on y retourne ou tu veux encore prendre un peu l'air? Ça, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Le glaive, je vais manger je une fourmi, j'arrive. Oh, c'est beau, panneau, c'est l'eau. Eh, c'est cool un vaisseau quand même, ça va vite. Hein. Ça va vite, mais là j'ai un peu envie de vomir, quoi. Mais écoute, ça va aller. Alors Gaviscon, hein, ça. c'est pas de moi, mais ça marche bien. Hein. D'accord, merci. Ça va mieux. Voilà. Bon, bah, moi je suis prête. Alors on se met où nous? Bah, vous êtes grand. Bah, on se cache derrière le comptoir, c'est bon. Mais tu moi, peux faire une petite danse. C'est bon, j'ai déjà la pression. Allez, tu vas pas en rajouter. Tu vas pas falloir que je m'occupe de toi. Très sympa la jupette. Très sympa la jupette. Ça va, ouais. Tout est ajusté, tout est nickel. Ok. J'y vais. C'est pas pratique parce qu'il parle pas. Ça va être compliqué. Après, il y a des signes universels. Éventuellement, regarde leurs mains s'ils ont des taches d'encre. Tu sais, parce que tous les corps ont été retrouvés avec des paroles écrites sur leur corps. Ben, on sait jamais. On sent que t'as de l'expérience. Peut-être qu'il n'y a pas de savon dans ce village. T'as une solution pour le savon? Toujours ça, mais descendre. Un brin de lavande. Oui. Ah, et ben, je suis partie. Je suis partie. Madame Croft, quoi? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Te tais et t'écoutes ce qui se passe. Mais on peut pas écouter, ils sont muets. Mais peut-être que Léa aura quelque chose à dire. Mais non, sinon elle va se faire démasquer. Est-ce qu'on n'irait pas chercher le maire ou un truc comme ça? Mais on va pas la laisser là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a ses qui? Elle regarde. Putain, mais elle se dépoile. Mais elle monte. Mais elle monte où? Moi, je propose qu'on y aille, on tape dans le tas. Je vais prendre un rondin de bois, je vais le défoncer. Ah bah moi, je reste derrière, hein. Je vais lui péter la tête. Ah, vous y allez, vous faites ce que vous voulez avec vos trucs égyptiens, là, mais vous, je reste derrière. Allez, on y va. Non, y vous va. Y allez. Non, on y va. Mais non, tu viens avec moi. Ah bah, attendez-moi. Oh, ça va bien, là. Moi, j'ai pas signé pour ça, hein. C'est bon, hein. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Non, mais il essaye de me toucher là, c'est pas. Non, c'est bon, il avait un stylo tout bizarre là, qui faisait des trucs fluorescents. D'accord. Vous appelez ça comme ça? Ah, vous êtes calmés vous, hein, j'amène pas Panoramix et Lara Croft, et là on la ramène pas. Hein. Moi, c'était quoi ce stylo là qu'il a dans les mains? Mais attends, mais par contre, il est où? Parce que pendant qu'on s'engueulait, il est parti ce connard. Ben on lui court après, Panoramix. Allez, hop. Allez, Panoramix, pendant qu'on. Il est tombé sur sa barbe. On peut pas y aller en vaisseau? Allons-y, les gars. C'est parti, j'ai plus beaucoup de kérosène. Hein. Il est où, ce con? Après, si vous voulez, je vous fais un bioéthanol. Il suffit juste que j'ai non, un peu de... Non, mais on s'en fout. On s'en fout. Essaye de nous retrouver... T'as pas une loupe, un truc, là? On le voit ah, pas. Bah, si, regarde. Mais c'est vous avez de la technologie. Vous attention, avez pas de on va se cracher. On va se cracher, je vous l'avais dit. On va se cracher. Attends, je m'en occupe, je vais sortir sur le vaisseau, t'inquiète. Oui, allô, oui, oui. Oui, Sherlock. Oui. Comment on fait pour les dépenses, Sherlock? Parce que je veux dire. Bah, on a une feuille de frais, un truc comme ça. Parce oui, que, oui, bien sûr. Vous... Là, parce que là, j'ai donné de ma personne. Hein. C'est-à-dire? Bah, je me suis déshabillée. J'ai, tu vois. Et puis en plus, là, mon vaisseau est en rade. Il n'y a plus rien. Ah. Y a plus elle de est suite, toute hein. Tachée parce que du coup, il y a du stylo partout sur sa robe. D'accord, mais je veux pas savoir ça. oui, bah, vous me faites une petite note de frais et puis vous envoyez ça à Hercule Poirot. Hein. On aurait besoin du nom du médecin. Oui. Du village. Monsieur Pouchard. Monsieur Pouchard, c'est Monsieur ça. Pouchard. Monsieur voilà. Pouchard. Oui, Monsieur Pouchard. D'accord, c'est bon, bien un mec blond, comme tu nous as dit tout à l'heure dans le vaisseau. Ouais. Un blond grand, obstétricien avec les yeux bleus. Et paléontologue aussi. Voilà. Ah, intéressant. Ouais. Intéressant, il a plusieurs cordes à son arc. C'est ça. Alors, c'est les gars, j'ai regardé sur Facebook. Alors, tu connais pas Panoramix, mais t'inquiète. Par contre, je peux y aller ou. Ah oui, bah, vas-y. Oui, j'entends. Je vous mets en attente sinon. Il n'y a pas de soucis. Oui, à bientôt. Bon, il fait une soirée ce soir, les gars. Le médecin, soirée costumée. Moi, je propose qu'on y aille, on s'incruste et on voit ce qui se passe. Ouais, il a fallu un moment pour que j'analyse ta proposition. Hein, tu m'excuses. Bah, le médecin, monsieur Pouchard, fait une soirée chez lui. Mais moi, mais j'arrête pas de me déshabiller, de m'habiller. Non, de mais me là, costumer. Toi, t'y vas comme ça parce que tu sais, dans notre monde, comment dire. C'est lui qui dit venez comme costumé. Vous êtes. Monsieur non Pouchard. Oui, c'est lui. Non, c'est son frère Ronald. Ah, Ronald Pouchard. Mmh. Intéressant. Lara, je te sens plein d'initiatives. Hein. Bah, je sais pas, là, moi, j'ai besoin d'action. Mais on va lui demander quoi, monsieur Moi, j'y vais, Pouchard, mais j'ai je peur. Je sais pas, il faut regarder à qui il parle. Mais il parle pas. Non, je veux dire, qui il regarde? Avec qui il danse? Non, mais un médecin, ça soigne, ça tue pas, quoi. Bah, justement, il connaît ce qu'il faut pour... Tu crois que c'est lui qui aurait préparé les glucoses, là? Alors, c'est glucose ou glucides, j'ai pas de certitude. Hein. Après, mais vous si m'avez vous laissé trouvez... très peu de temps pour analyser aussi. Hein. Mais vas-y, mais fais-toi plaisir. Bah, non, après je vais être tout seul. Bon, bah on reste avec toi. N'empêche qu'il y a aussi une information, il faudrait trouver un type avec une, des sandales et des chaussettes. Nos anciens collègues nous en ont parlé. Oui. Donc il doit y avoir un de ces types-là qui est dans la mouise, comme on dit. Faute de goût, hein, déjà. Faute de goût, déjà. Il doit être allemand. Pour commencer, ça doit être un allemand, exactement. Ah mais bah, il est peut-être cousin du médecin, parce que du coup, il était grand, blond, ouais. Avec les yeux bleus. Mais Pouchard, ça sonne pas très... Il a peut-être pris le nom de sa femme. Ouais, c'est possible. C'est un mec moderne. Il y a Anguille Souroche. Il a peut-être changé de nom. Des Saxons. Encore ? Encore les Saxons. Mais Panoramix. Ah, mais là, faut rentrer, oui. Panoramix. Soulève voir ta toge, là. Tu Alors, portes moi, des sûr. Sandales. Oui. Panoramix, tu portes des sandales. Mais ça, c'est l'uniforme traditionnel. Alors, attends, moi, tu serais pas en train de nous embrouiller, là, parce mais que non. Tu portes des sandales, mais... tu prépares des bonbons en scred à la sauge. Hein, je veux dire. Je suis le copain de Sherlock, je suis là pour vous aider. C'est pas... On est là pour chercher ensemble. Je te préviens, le prochain meurtre, si t'as pas d'alibi. Oui. T'as compris la menace. On t'attache à un arbre. Oui. On t'écartèle. On fait de toi un homme tronc. Pour justifier de quoi ? Je sais pas, moi j'étais pas là. Tu te rends compte que personne mais ça... Non mais personne ne porte des sandales avec des chaussettes. Mais moi j'ai pas de chaussettes, je suis pieds nus, ça aère plus. C'est des Geox ? C'est alors voilà, c'est en plus bon, c'est, on tourne en rond, on tourne en rond. C'est pratique pour nettoyer parce que du coup j'ai une petite raclette aussi à l'intérieur qui me permet de gratter un peu le cuir et non, c'est assez sympa mais... Pas d'allemand, c'est pas facile, hein. Il parle pas, on n'entend pas l'accent. Ouais, puis y a pas beaucoup de bruit quoi dans cette soirée, c'est un peu. Ah, y a un mec qui mange une choucroute là-bas. Ce serait une histoire d'allemand. Ouais. Faut qu'on creuse sur cette c'est, histoire. C'est allemand la choucroute, non? Bah, je crois. Ouais. C'est ou c'est alsacien, je sais pas. C'est... Mais après, est-ce que les Alsaciens sont des Allemands? C'est une grande question. C'est un autre débat et on tournerait en rond. À ton époque, hein. C'est plus compliqué que ça. Ouais. Oui. Mais je comprends pas bien ce qu'on fait. Mais écoute, on sait que le médecin est le mec au stylo, le d'accord. Le médecin est le mec au stylo. Et toutes les victimes ont du stylo sur le corps. Puisqu'elles ont des paroles de Joe Dassin. Voilà. Est-ce qu'il va mettre de la musique ? Est-ce qu'il va mettre du Joe Dassin ? Là, c'est une faute de goût, ça. Dit-il. Ouais, mais des sandales et... Moi, je sais pas qui c'est, Joe Dassin, donc... Moi, j'en en ai entendu parler. Dans un futur lointain ? Non, comme ça. Mais c'est pas plus d'infos. Bon, c'est pas que je me fais chier avec vous, mais je vais aller réparer mon vaisseau, hein. Mais nous, on fait quoi, Panneau ? Panneau, mais non, Madame Croft, s'il vous plaît. Oh bah c'est bon. Vous prenez des libertés, je ne vous permets pas. On me tutoie, Panneau. Moi, je vous appelle Crocro. Bon, on va la chercher parce que là, on se fait chier, de toute façon. Bah oui. Puis c'est la première des soirées que je connais où on s'entend parler. Alors, les autres parlent pas. Mais, bon, bah viens, on sort, on va retrouver Léa. Léa ? Ouais, j'avais besoin d'une petite séance de méditation. Allez voir derrière le vaisseau, là. Oui, voilà, c'est ça. C'est la première fois que tu vois un cadavre ? Ah, allez donc. Poussez-vous, Madame Croft, je vais aller voir. Bah vas-y, écoute. Oh, mais tu t'en dis pas, il a remis sur sa barbe. Bon, je m'en occupe. Tout de suite, c'est gore. Oh putain, c'est le mec à sandales. Mais c'est le docteur ? C'est le docteur qui est mort ? Ah, regarde dans sa poche, il a ses papiers d'identité. Ah non, je touche pas ça. Oh, je m'en occupe, c'est bon, c'est Lara. Bon. Ouais. Attends, je goûte son sang. C'est bien lui. C'est un réseau allemand ? C'est un réseau positif, à plus. Et il y a un goût de glucose, les gars. C'est bizarre, il y a une histoire de glucose et de sandales. Mais d'où tu connais le glucose, toi dans le... Est-ce que vous voulez que j'analyse le sang ? Eh ben vas-y. Avec plaisir. Alors ça, par contre, je sais pas faire. Il faudrait une dent de... Une dent de requin. Une dent de requin ? Ça serait pas mal. Vous en avez pas ? Ah bah là, j'ai pas. Moi, je dois avoir un truc de raton. Mais donnez-moi une canine, ça ira. Donnez-moi une de vos canines. Ok, pas de soucis. Merci Léa, c'est bon. Mais vous m'avez donné une molaire. Bon, par contre, faudrait peut-être nous éclairer, mais c'est pas du Joe Dassin qui est écrit sur lui, là. C'est du Jean-Jacques Goldman. Merci beaucoup. On va finir sur Jean-Jacques Goldman, c'était parfait. Quelles sont vos impressions? Bah, moi, je veux plus jamais travailler avec Panoramix. Hein. Ouais. Il est vieux jeu, c'est pas possible. Et pas, un courageux, peu pas courageux. Mais c'est pas moi qui ai vieux jeu. Oh, je trouve assez ouvert. C'est vous qui êtes vieux jeu. Ouais. Non, moi, je trouve quand même que c'est louche, quoi. Le mec, il a une raclette pour ses sandales, tu vois. C'est un déjà, peu... il a des sandales. C'est pour enlever les croûtes, ça, c'est ça? Bah, les croûtes sur le cuir avec la transpiration, ouais, du coup, ça fait une légère pellicule. D'accord. Et du coup, pour laver sur un cuir vieux. Je savais même pas que ça. Moi, j'ai quand même une réquisition. Je trouve que Sherlock est un peu indégonflé. Oui. Ouais, il s'implique pas trop. Ouais, mais il est occupé, hein. Il fait plein d'autres choses. Donc, est-ce qu'on est payé pour cette mission? Pas du tout. Voilà. Du tout, non, on est plus dans la mission là. Moi, tant que ça se bat, ça brief. 100% bénévole. Sors de là. Quentin, tu de. Alors Quentin, pour cette deuxième, qu'en as-tu pensé? Je me suis encore fait humilier par mes collègues, mais ça. Tes partenaires, ça, t'as l'habitude. Voilà, c'est ça. Voilà. Laetitia. Bah je j'ai pas été très pertinente. Si. Bah tu quand tu vas réécouter tout ça, tu vas voir que ouais, si. Ouais, je. Ouais, pour quelqu'un qui connaissait pas Princesse Leia. Bah t'avais les bases quoi, vaisseau, Yoda. Ouais, c'est facile quoi. Moi ouais, je suis pas sûr qu'elle pilote beaucoup de vaisseaux, mais. Bah écoute, c'est mignon. Elle a passé le permis là. Oui, sûrement. Et Sixteen ? Eh bah je pense que les lunettes aident beaucoup. Ah oui, tu crois ? Ouais, non mais très sympa. Très bon. Sympa. Eh bien tant mieux. Merci à vous en tout cas. Merci bien. Merci à Laetitia. Merci Sixteen. Merci Quentin. Quant à nous, chers auditeurs, eh bien on se retrouve très prochainement pour le 6e épisode, n'est-ce pas ? Podcasting, ça. Avec encore une fois un nouveau. Moi j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé. Hein. Bah, et moi donc. C'est donc. Jean-Jacques Goldman. Maintenant. C'est JJG. À bientôt. Allez.